Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez une couette, une licorne, un robot, une exploratrice et vous obtiendrez la grotte merveilleuse. Après sa douche, Mila file s'habiller. Culotte, t-shirt, chaussette droite sans fil sans accroc. Mais au moment de passer sa socket gauche, Mila s'arrête pour considérer un instant sa couette. En boule sur son lit, elle ressemble à une grotte. Qui sait à côté de quoi elle passerait si elle ne l'explorait pas tout de suite? Abandonnant sa chaussette, à demi habillée, la fillette s'y faufile. Très vite, l'obscurité lui impose d'avancer à tâtons. Sa main appuie sur quelque chose de mou et couinant. Elle panique, s'agite, elle tente de retrouver la sortie en vain. Elle est prise au piège. Un petit blip retentit. Des petits yeux rouges luisent. Mila panique, bat des bras pour se désempêtrer. Tout à coup, le terrain vient à manquer. La voilà qui tombe une infinité de secondes pour finir les quatre fers en l'air sur le parquet, vite rejoint par sa licorne en caoutchouc et son robot de l'espace.